Double X on the track, bitch. Faut qu'on se rachète pour aller au ciel. On court après les pépettes, rivière de Giacomiel. Elle aime ma dégaine, avant on portait des chaînes. Peu importe si mon cœur est mort, tant que la route est pavée d'or. Pas besoin d'une cavalière pour aller au bal. J'y vais que pour faire du sale. J'sors mon arsenal, j'patrouille comme un marshal. J'cours partout comme un morphal. Te fais l'amour comme un animal. Chez nous n'y a pas de match amical. Tu fais le foot, elle va te michetonner si tu crois qu'elle est conne. Quand tu la prends en vrai te le et tu te rends compte qu'elle n'est toujours pas bonne. Je veux un compte où mon argent dort, ouais. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, non. Donc je veux la médaille d'or. Faut qu'on se rachète pour aller au ciel. Mais on court après les pépettes, rivière de Giacomiel. Elle est ma dégaine, avant on portait des chaînes. Peu importe si mon cœur est mort, tant que la route est pavée d'or. J'fume ma Audi couche, j'pense à tous mes frères. Regarde le soleil se couche, j'prends des milliards de prières. Si l'un des nôtres est touché, ouais, c'est que tout le monde est touché. C'est sûr, c'est comme ça qu'on se serre les coudes. Génération Boys in the Hood. Calache est chargé, je n'ai pas changé. Missile est largué, pas là pour plaisanter. Le dozo ne chasse pas, si t'as que je n'ai faisant des. Même blindé au max, tu peux me voir en gando, rassure à tes max. Oh no, tu lui payes sa conce, mais elle part avec un autre tellement tu es laid. Tu dis que t'es content pour moi, mais tu souris jaune comme un smiley. Si t'es mon ro, j'suis ton ro. Juste demande-moi pas trop. J'veux une deuxième chance comme Jon Snow. Faut qu'on se rachète pour aller au ciel. Mais on court après les pépettes, rivière de Giacomiel. Elle est ma dégaine, avant on portait des chaînes. Peu importe si mon cœur est mort, tant que la route est pavée d'or. J'fume ma Audi couche, j'pense à tous mes frères. Regarde le soleil se couche sur des milliards de prières. Si l'un des nôtres est touché, ouais, c'est que tout le monde est touché. C'est sûr, c'est comme ça qu'on se serre les coudes. Génération Boys in the Hood. Tu me connais pas, mais pourtant tu parles de moi. Quand tu me trouveras, on n'aura plus de nouvelles de toi. Bloc sur la hanche, t'en mets une dans le foie. 2-7, il était une fois dans le 9-3. Y'a du caviar beluga. Sango, c'est ta fête, c'est Hanouka. Sango, on s'est loupé ce coup-ci. Sango, on se retrouve chez Gucci. Je veux pas danser, je veux juste tes fros. T'as des belles fesses, je veux juste les guécros. Je fais que du sale, y'a rien de peu pro. De 7Z, de R, faut qu'on se rachète pour aller au ciel. Mais on court après les pépettes, rivière de Giacomiel. Elle est ma dégaine, avant on portait des chaînes. Peu importe si mon cœur est mort, tant que la route est pavée d'or. J'fume ma Audi couche, j'pense à tous mes frères. Regarde le soleil se couche, j'fais des milliards de prières. Si l'un des nôtres est touché, ouais, c'est que tout le monde est touché. C'est comme ça qu'on se serre les coudes. Génération Boys in the Hood.